Chapitre 4. L'après-mort du maître Amram. Il est vrai que quand vous entendez tout ce que je peux expliquer sur le bon fin, sur la fraternité blanche universelle, vous pourriez vous dire, ouais, il y a des trucs quand même troublants, positifs, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je me souviens une fois où le maître Amram était encore vivant, quand on était au bon fin, et il y avait une petite fille, elle était juste devant le terrain de la gymnastique, devant la grande salle. On allait rentrer, et puis la petite fille, elle regarde, elle dit « Ah, ici, c'est vraiment, tout est vraiment très beau, mais j'aime mieux le terrain de gymnastique avec l'eau. » Parce que des fois, ils arrosaient avec les « pich, pich, pich, pich, pich, pich. » Et moi, ça me gonflait avec ma copine. J'ai dit « Regarde, on est au paradis, hein, c'est merveilleux et tout. » Et là, on écoute cette petite fille, donc c'était mignon ce qu'elle disait. Et juste quand elle dit ça, pouf, il y a l'eau qui sort. Tch, tch, tch, tch, tch. Et je regarde ma copine, j'ai dit « Bon, c'est bien, allez, on rentre là, on rentre dans la grande salle. » J'ai vu plein de manifestations comme ça. Alors, évidemment, on peut toujours dire « Bah ouais, c'est subjectif, c'est le hasard. » Mais il y avait cette force, cette espèce d'harmonie étrange qui va au-delà de l'intellect classique. Et puis après, il y avait aussi, comme je l'expliquais absolument, ce cinéma, cette incompréhension, cette manipulation, le pouvoir, l'argent, etc., etc., etc. Puis il y a ça, la mort du maître Amram, horrible, horrible. La honte pour tous ces gens, une honte totale, une honte d'âme, profonde, absolue, que je condamne totalement. Quoi, Edgy, tu condamnes ça? Oui, je condamne. Je condamne la honte, je condamne le fanatisme et la stupidité. Si je ne condamnais pas ces choses-là, je n'aurais rien compris à l'enseignement de lumière. Un jour, c'est en 1988, donc 2 ans après la mort d'Omram et environ 3 ans sans le contacter, puisque à la fin il était faible, fatigué, je ne voulais pas le déranger. Je suis en Ardèche, c'est au mois de juillet 1988, et je fais de l'escalade, je faisais beaucoup d'escalade en solo, hein, c'est-à-dire sans sécurité, sans corde et seul. J'aimais me tester sur les rochers parce que dans ma philosophie, dans le perfectionnement du corps et du mental, la montagne, seule, elle ne vous fait pas de cadeaux. Et j'ai fait une façade très très difficile. J'étais juste en short, presque nu, avec les chaussures évidemment, et un short. J'ai dégouliné de sueur avec la chaleur, avec le soleil. Puis j'étais tout en haut sur les montagnes, il y avait là le vent, mon succès, la sueur, mes muscles, il y avait toute une ambiance quoi. Et c'était pas tellement ma politique parce que j'étais pas comme ça, je me suis, pour moi, je dis toujours, il y a la vie et puis après les morts, il faut laisser tranquille. On peut regarder l'accomplissement de leur vie, mais il faut les laisser tranquille. Et là, je me tourne vers le ciel. Je faisais du Qigong tout en haut de la montagne. La colline, en tout cas, la petite montagne, et je me tourne vers le ciel. Et il se trouve que, avant, j'essayais toujours de répondre aux questions de mes disciples, mes élèves, dans les arts martiaux, dans le tai chi. Pourquoi ma maman est morte? Pourquoi j'ai toujours. Tu me laisses 2 jours là que je calcule un petit peu. Des fois, j'allais chercher dans les livres où j'appelais maître Amram. Et là, depuis 3 ans, ben, je me débrouillais tout seul. Et. Je me tourne vers le ciel ce jour-là, seul dans la montagne, perdu dans l'Ardèche. C'est même pas dans la gorge de l'Ardèche, c'est dans l'Eyrieux, donc c'est une autre partie de l'Ardèche qui n'est pas du tout touristique. Il y a très peu de monde et c'est vraiment perdu. Un endroit que je connais très bien, où j'allais très souvent faire des randonnées ou de l'escalade. Et là, je me tourne vers le maître Amram, vers le ciel, et je dis « Maître Amram, je suis très content pour vous, vous êtes mort maintenant, vous êtes avec les anges, vous êtes avec la lumière, vous devez avoir tellement de paix, je suis tellement content pour vous. Mais en même temps, qu'est-ce que je fais moi pour mes élèves? Comment je réponds à leurs questions? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour les aider ?» Et le vent a continué à souffler. Puis après, j'ai dit, vous en fichez, hein. C'est normal, je comprends. Écoutez, je ne peux que respecter votre position et j'essaierai de trouver une solution. Voilà, c'est tout. Et après avoir médité un petit peu et rien d'autre, ben, je suis rentré chez moi. En courant. Ah oui, évidemment, quand on s'entraîne, on s'entraîne. Et je n'en ai jamais parlé à mon amie, ma copine, la même copine. Je n'ai jamais parlé, évidemment. Parce que c'était pas mon style, c'était juste l'ambiance, l'atmosphère, l'Ardèche, le soleil, les muscles, la transpiration, la victoire, le vent. Il y avait quelque chose, il fallait que ça sorte. Plus tard, au mois de septembre, il y a la rentrée scolaire, donc la rentrée des cours pour moi, en tant que prof. Et je suis invité à aller chez Corinne et Jackie. Jackie, c'était un élève d'arts martiaux, une ceinture verte, ceinture bleue. Et Corinne, c'était sa femme. Et pour moi, c'était une rencontre particulière parce qu'elle était diabétique aussi. Donc, c'était la première fois de ma vie que je passais un petit peu de temps avec un autre diabétique. Parce qu'en général, j'évitais de rencontrer des diabétiques. On va se raconter nos petits malheurs de diabétique, etc. Ça ne m'intéressait absolument pas. Et en soirée, cette fille, elle fait du Ouija. Elle fait tourner les verres, vous savez, avec des méthodes particulières. Et Jackie, ça l'intéresse aussi. Et ma copine, ça l'intéresse aussi. Donc ils sont à trois à faire tourner les verres comme ça. Et ils sont tout excités quand, au bout de 2 ou 3 heures, le verre a bougé de 15 cm et qu'ils ont eu trois lettres, puisqu'il y a un alphabet qui entoure l'endroit où le verre bouge et tout. Ah, on a eu, oui, oh, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et moi, je regardais ça, je trouvais ça lamentable. Minable, mais vraiment, j'avais honte pour eux de leur excitation sur rien. Et je lisais un livre, d'ailleurs un livre de Maître Amram, je me souviens. J'étais sur un divan, je m'occupais pas de ce qu'il faisait. Puis au bout d'un moment, pour me moquer, j'aurais dit, bon, allez, je vais vous montrer comment on fait vraiment. Donc je viens pour m'asseoir à la table pour être le quatrième. Et je venais un peu pour me moquer. Ceci étant, quand j'ai fait ça, j'ai appelé un canal de lumière. Ça fait partie de l'enseignement du maître Amram. On appelle un canal de lumière, que toute obscurité soit chassée, que seule la lumière puisse être présente. Juste au cas où, quoi, par sécurité. Je suis un expert d'arts martiaux, donc je garde toutes les sécurités possibles et imaginables. Et je mets mon doigt sur le verre, et là, le verre se met à bouger à une vitesse fantastique. Se met à écrire à toute vitesse, si vite qu'ils n'arrivaient pas plus à écrire. Je dis, oh là, mais comment tu fais ça? C'est merveilleux, c'est fantastique. Et donc je suis très surpris. Alors je dis, donne-moi ton nom, s'il te plaît. Et ça s'écrit O-M-R-A-A-M. Omram. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je dis, où était ton école? Et ça écrit Bonfin. Et dans quelle ville est le Bonfin? Fréjus. Et ça écrivait tellement vite que j'étais vraiment très très surpris. Et la première fois, je n'ai posé que des questions pour démasquer un peu, pour voir si c'était une sottise ou pas. Et puis évidemment, ça me travaille énormément, parce que là, ça challenge mon esprit scientifique, si je puis dire. Scientifique dans le sens où vous dites, mais non, le Ouija, ça ne peut pas exister. Oui, mais si je suis devant quelque chose où, objectivement, même si on avait voulu, on n'avait pas le temps de s'harmoniser pour tricher avec le verre, parce qu'il y a 4 personnes qui poussent sur le verre, et donc le fait que ça se déplace si vite, tout de suite sur les lettres et tout, c'était au-delà même de l'harmonie qu'on puisse créer ou de jeu qu'aurait pu faire une seule personne. Donc la semaine, j'y pense énormément et je prépare des questions. Et la semaine d'après, je me retrouve encore avec Corinne et Jackie. Je dis, allez, on le refait. Cette fois-ci, c'est moi qui demande, hein. Et on le refait. Et je pose une ou deux questions, mais en même temps, je ne peux pas aller très loin parce qu'il y a Corinne et Jackie, ça ne les regarde pas. Je ne sais pas comment faire. Donc j'ai une ou deux réponses, pas très importantes. Je vais même oublier parce que c'était juste pour aller un peu plus avant dans la compréhension. Et même à un moment, moi-même, je dis, bon, on va arrêter. Parce que je ne voudrais pas que vous soyez trop fatigué. Je sais que ça paraît bizarre, mais C'est ma façon d'agir avec des gens. Alors, faut pas oublier, Omram, je l'ai connu, il a 80, la dernière fois que j'ai vu, il avait 85 ans. Hein, donc, je respecte. Et là, sa réponse, c'est « Je suis un jeune homme ». Et je me dis, bah oui, évidemment, ouais, s'il est mort, c'est stupide de penser qu'il est vieux. Ouais, je suis un jeune homme. Et ça me travaille énormément. Donc, plus tard, quelques jours plus tard, on est en Ardèche. Et je suis là et je dis, comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce que je veux pas qu'il y ait Corinne et Jackie toujours au milieu. Donc j'invite ma copine et je dis, on va faire un Ouija juste toi et moi. Et on fait le Ouija, mais le verre bouge moins vite. Vite par rapport à ce que les gens font normalement, mais quand même beaucoup moins vite. Et il y a juste oui et non. Alors le protocole, vous avez oui et non, puis autour, après vous mettez l'alphabet. Alors je dis, Maître Omram, est-ce que c'est vous? Et il dit oui. Je dis, est-ce que je peux vous poser des questions? Oui. Est-ce que je peux mettre l'alphabet? Non. Problème. Je veux dire, s'il n'y a pas d'alphabet, comment? Alors je dis, je repose la question, est-ce que je peux vous poser des questions? Oui. Est-ce que je peux mettre l'alphabet? Non. Et après, plus rien. Donc je me dis, échec total. C'est n'importe quoi, échec total. Après, on va se coucher. Et dans la nuit, ma copine a une espèce de crise. Une espèce de petite crise d'épilepsie, mais très douce. Elle tremble, mais très lentement en même temps, très soft. Donc j'essaye de la réveiller, elle ne se réveille pas. Je prends son pouls, je vois que c'est un pouls d'une personne endormie. Je suis ostéopathe, donc c'est facile pour moi de voir ces choses-là. Et j'arrive pas à la réveiller. Et au bout d'un moment, on va dire terreur ou quelque chose de sublime, enfin on peut mélanger entre les deux, elle se met à parler. Eh bien, Iji, voilà, je suis là pour te parler et pour répondre à tes questions. Et je suis là, j'ai ah non, non, alors ça, t'arrêtes. Je parlais pas à Omram, je parlais à Fabienne. J'ai dit, t'arrêtes ça, t'arrêtes, c'est pas drôle du tout, ça m'amuse pas, c'est pas respectueux, etc. Et la voix continue, et à un moment, la voix continue et commence à me dire, bien sûr, tu m'as appelé sur la montagne. Je dis, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ce que j'avais pas dit à ma copine. Donc même si ma copine voulait faire du cinéma, comment est-ce qu'elle savait que j'avais appelé Omram au début sur la montagne? Il y a 2 mois, tu m'as appelé, je t'ai entendu. Alors, je viens pour répondre à tes questions. Donc, je me calme. Je dis, ok, bon. Très bien. Prenons le postulat. Vous êtes mon maître. Vous êtes mort il y a 2 ans, quoi. Et là, vous venez parler à travers ma copine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi vous venez me parler à moi? Elle m'a dit, parce que tu es perdu. Parce que tu as besoin d'un guide pour aller plus avant. Et comme je suis honnête, je lui dis, ok, je suis perdu. Et alors, je ne suis pas le seul à être perdu. Elle dit, oui, mais tu m'as appelé. Et il y a autre chose. Tu es honnête. Tu es très honnête. Et comme je suis justement honnête, je lui ai dit, bah oui, d'accord, ok, je suis perdu et je suis honnête. Et alors, je ne suis pas le seul à être honnête. Et là, il rigole. Il rigole comme il rigolait. Il rigole. La même façon de rigoler. Puis il me dit, tu serais très surpris de voir combien de gens sont véritablement honnêtes. Très surpris. Mais il y a autre chose. Je dis, ok. C'est quoi autre chose? La manifestation de cette honnêteté, de cette pureté de cœur. Lorsque tu étais sur la montagne, tu n'as rien demandé pour toi, seulement pour tes élèves. Et par cet acte de courage, d'honnêteté et d'amour, tu as ouvert un canal très puissant. qui me permet de venir te parler à travers ton ami. Je viens non pas pour parler avec tes élèves, je viens pour te donner la connaissance, pour répondre à toutes les questions de tes élèves, comme tu l'as demandé. Nous allons travailler ensemble pour que tu apprennes tout ce qui t'est nécessaire de connaître, pour apporter la lumière, la justice, la vérité dans le cœur de tous. Voilà pourquoi je viens te voir, parce que tu m'as appelé avec force et pureté, avec la puissance et la dignité de ton âme. Et là, je n'ai rien à ajouter. J'ai fondu en larmes. Fondu en larmes devant le miracle, devant la beauté. La beauté du maître en moi qui est là, mais aussi, vous allez me trouver très orgueilleux, devant ma propre beauté. Parce que c'est la pure vérité. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit de demander quoi que ce soit pour moi. J'ai demandé pour mes élèves. Et je me souviens qu'après, il m'a expliqué qu'il allait venir régulièrement pour tout m'apprendre. Et j'ai commencé à étudier avec lui. Il m'a expliqué ce qui se passe après la mort. Il m'a expliqué son enseignement. Et j'enregistrais tout, sauf la première fois, j'enregistrais tout. Et sur tous les textes après qui étaient enregistrés, je les écrivais. Et quand je les écrivais, je soulignais les mots importants, la couleur, le chakra, la pensée comme ça, ainsi de suite. Et j'ai fabriqué tout un dictionnaire de l'enseignement du maître en de tout ce qui m'apportait. Puis ensuite, j'allais sur tous les livres de Prosveta qui existaient. Et j'allais rechercher toutes les notes que je pouvais trouver sur ce mot, sur cette qualité. J'y passais des centaines d'heures. J'y travaillais toute la journée. J'étais vraiment dans une université de lumière. C'était pas juste une petite manifestation comme ça. Je suis rentré dans une université très élevée. Et j'ai tout étudié, mis les choses bout à bout. Et parfois, quand le maître Omram revenait, je lui disais, maître, vous avez parlé de ça, mais j'ai fait le lien avec ça et ça ne correspond pas. Et il me disait, tu es vraiment un élève terrible, terrible. Oui, je vais t'expliquer, bien sûr. Parfois, je parle à des niveaux différents. Et les conférences ne parlent pas du même niveau. Et si tu regardes cette conférence, et celle-ci, c'est à tel niveau, et celle-ci est à tel niveau. Et tu ne peux pas mettre les niveaux différents ensemble. Autrement, le système ne fonctionne pas. Mais c'est très bien de travailler comme ça, de tout analyser, de tout poser, de tout mesurer, de tout vérifier. Tu es honnête dans ton travail, intelligent et structuré. C'est pourquoi tu peux recevoir l'ensemble de tout ce que j'explique. Et pendant 2 ans environ, jusqu'en 1990, le maître Omram est venu me voir régulièrement, soit environ 2 ou 3 heures tous les mois, en travaillant sur des sujets très précis et en allant plus avant. Évidemment, je vais, dans les prochains chapitres, vous expliquer ce qu'il expliquait, pour être capable de vraiment comprendre profondément les choses. Il m'a envoyé aussi près des dauphins pour travailler avec les dauphins, pour me préparer au futur, disait-il. Et découvrir Israël. J'avais déjà étudié l'hébreu et il était temps pour moi d'aller plus avant dans les connaissances de l'hébreu, de la compréhension de la Bible. Travailler aussi avec les dauphins dans la mer Rouge. Comme si les dauphins me permettaient d'être plus avant dans la compréhension. Et petit à petit, combien de fois me suis-je réveillé avec le nom Iji, Iji, et je me réveillais, et hop, je me jetais sur le magnétophone, j'enclenchais le magnétophone toujours prêt. Et puis, avec le temps, à des moments, je dormais, je me réveillais, j'enclenchais le magnétophone, et alors, le maître en main commençait. Bonsoir, comment vas-tu aujourd'hui? Et on commençait. Et je n'ai pas réalisé qu'avec le temps, je suis devenu tellement lié, tellement uni à cette chose, je n'ai pas réalisé que je me réveillais automatiquement à la présence du maître Amram, sans qu'il n'ait plus à m'appeler. Un lien plus profond, plus magique, se construisait avec le temps. Et c'est pour ça que plus tard, en travaillant avec le maître Omram, il m'a aussi demandé de retourner au Bonfim. Et c'est pour ça qu'après, j'ai une longue expérience au Bonfim, après la mort du maître Omram, mais avec le maître Omram, qui souvent me parlait et m'a envoyé au Bonfim aussi pour régler des erreurs qui se sont passées, de l'argent qui a été volé, des mensonges. Il m'a envoyé en tant que justicier, parce que je suis honnête. Et les gens avec qui je parlais au Bonfim ne comprenaient pas comment je pouvais connaître ça ou ça, comment je pouvais connaître cette histoire d'argent volé, ce mensonge, cette manipulation. Et très étrangement, j'ai appris un peu du maître Omram, et une fois que j'ai connu du maître Omram, et que j'ai parlé avec telle ou telle personne, très étrangement, les gens se sont mis à parler. On dit, ah, j'ai vu que vous saviez ça, mais je me doute que c'est un tel qui vous désire. Ben, attendez. Et alors, ils me racontaient encore plus de secrets. Et je me suis retrouvé à connaître tous les secrets de manipulation, de vol, de mensonge, d'argent, du Bonfim, parce qu'ils étaient persuadés que c'était un autre qui avait balancé ces informations. Comment pouvait-il deviner d'où je tenais les informations à l'origine? Donc ça a poussé d'autres à parler et à parler. Et au bout d'un moment, je suis devenu une force au Bonfim, très très gênante, parce que quand on voulait me jeter dehors, je dis attention, je connais ça et ça, donc si vous voulez pas que je parle, vous feriez bien de respecter. Et le pire de tout ça, c'est que j'ai continué avec ma fausse carte. J'avais même pas une carte du Bonfim. Donc en fait, si vous allez voir maintenant la mémoire du Bonfim, je n'existe pas. Je n'ai jamais fait partie du Bonfim, puisque la carte que j'avais, c'était une fausse carte, hein, qui était faite par Christelle à l'origine. Donc voilà, ça a continué comme ça, et je n'ai jamais vraiment été inscrit au Bonfim. Donc officiellement, je n'ai jamais existé au Bonfim. Vous aviez en ce temps-là le frère Raphaël, me détestait totalement, quoi, parce que j'étais vraiment très très gênant pour lui, très très gênant. Donc c'est vrai que si vous allez au Bonfim et que vous parlez de moi, bah, les gens diront que je n'ai jamais existé, ou ils me critiqueront et diront que je suis un monstre et un démon, ou un démon, ou un diable, enfin j'ai toutes les qualités. Évidemment, j'ai travaillé, il y a une famille, par exemple, qui a aidé à construire. Il y a des hôtels, hein, qui existent au Bonfim, qui ont été créés pour quand les gens viennent en conférence, pas en conférence, pendant la période d'été ou de Pâques, et ainsi de suite. Et donc, il y a des hôtels, quoi, qui sont assez chers et qui ont été fabriqués par le Bonfim. Et pendant que le Bonfim fabriquait ces hôtels, il y a certaines personnes qui ont acheté des emplacements au Capitou, qui est donc la cité de villa qui est juste au-dessus du Bonfim, qui n'est pas du tout du Bonfim, hein, mais qui est. Et il y en a un que je connais, par exemple, il a construit toute sa maison en détournant des matériaux du Bonfim. Voilà. Toute sa maison a été construite comme ça. Il y avait aussi la pyramide qui devait être fabriquée, la pyramide j'ai oublié maintenant, des 24 vieillards, je pense. Il y a l'argent qui a été collecté, et une fois que l'argent a été collecté, bah, le monsieur qui était responsable de ça, bah, il s'est barré avec tout l'argent, purement et simplement. C'est pour ça que cette pyramide n'a jamais été construite. Et puis le Bonfim avait trop d'argent, trop trop d'argent. Et comme j'étais au courant, je posais des questions. Je disais, ben alors vous faites quoi cet argent? Ben en fait, on aide Prosveta, parce que Prosveta a de gros problèmes financiers. Mais il se trouve que quand je suis retourné au Bonfim et que j'y suis resté beaucoup plus longtemps, eh bien, ma copine a travaillé au Prosveta. Elle a pu voir que Prosveta, c'était un succès total qui avait beaucoup d'argent. Alors après, j'ai rencontré les gens. J'ai dit, mais attendez, c'était Frère Ciotat, je pense, qui était responsable de Prosveta. Je crois que c'était ça. Frère Ciotat, responsable de Prosveta. Et l'autre, j'ai oublié, Frère Lima, l'ami, voilà, c'est ça le nom. Frère Lamy, celui qui avait interdit qu'on aille à ma conférence, sinon on était mis dehors. Lui, il était responsable du Bonfin, si je me souviens bien. D'ailleurs, à la fin, il avait pété une durite, il portait un chapeau comme le chapeau de Maître Amram, enfin bon. Donc, il commençait à glisser sérieusement vers je suis le Maître Amram. Et bref, au Bonfin, à Prosveta, moi j'ai dit, alors qu'est-ce que vous faites de votre argent? Il dit, ah ben on en donne beaucoup au Bonfin parce qu'ils ont beaucoup de problèmes financiers. Oups, les deux racontaient la même chose en sens inverse, quoi. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'argent qui disparaissait, puisque beaucoup de gens à Prosveta, par exemple, travaillaient bénévolement. Hein. Il y a beaucoup de gens très honnêtes, et par leur honnêteté, il y a des gens au-dessus qui détournent beaucoup d'argent. Comme partout, quoi. Dès qu'il y a du pouvoir, de l'argent, c'est trop attrayant. Et évidemment, en ayant le travail un peu de John Wayne, du shérif qui arrive au Cape Coral où c'est le désastre total, ben, c'est clair que je ne me suis pas fait que des amis au bon fin. Et il y en a d'autres qui m'ont adoré, hein, comme Madeleine Chavanon, par exemple, comme Blagost. Et Blagos, par exemple, la première fois qu'elle m'a vu, le maître Amram était enterré dans son jardin. Et il m'a tout de suite dit, elle m'a tout de suite dit, ah ben vous, il n'y a aucun problème, hein, vous rentrez dans la maison, vous vous recueillez sur la tombe du maître Amram. Alors qu'il y avait plein de gens qui réclamaient sans arrêt, et Blagos, elle disait non à peu près à tout le monde. Et moi, dès qu'elle m'a croisé, sans même me parler, tout de suite, ah vous, vous allez là. Elle m'avait vu avant, mais là, tout de suite, tout était ouvert pour moi. Donc encore une fois, ça recommençait, hein, le même cinéma, il y avait des choses étranges, magiques, où tout était ouvert pour moi, c'était assez énervant, hein, pour la plupart des gens. Et en plus, je parlais avec plein d'anciens, on se demandait bien pourquoi je parlais pendant des heures comme ça avec des anciens. Un jour, il y avait l'Assemblée générale, puisque le Bonfin, c'est la Fraternité Blanche Universelle et que c'est une association. Et l'Assemblée Générale, elle était permise qu'à certaines personnes. Or, c'est contre la législation française. Donc moi, j'y suis allé. Et je n'ai pas le droit d'y être, d'après leurs critères à eux. Donc, Frère Lamy, quand il m'a vu comme ça arriver, il a fait signe à trois frères qui se sont levés, il a parlé dans ma direction, et les trois frères ont commencé à se déplacer dans ma direction. Et là, Sœur Blagos, qui était là, s'est levée. Elle a regardé droit dans les yeux les trois personnes en croisant les mains, et ils ont été figés. Ils sont tournés vers le frère Lamy, ils ne savaient plus quoi faire. Et le frère Lamy a fait signe non, gentiment de la tête, et ils sont repartis s'asseoir, et j'ai écouté toute la réunion. Pour comprendre au niveau de l'argent, au niveau. Donc voilà, il y avait toujours cette chose-là où j'étais avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'antipathie selon les gens. J'étais une personne de pouvoir avec lequel il fallait faire avec, alors que je n'appartenais pas à leur système finalement. Hein. Très rapidement, j'ai compris que le Bonfin était tordu et au lieu de rester au Bonfin, j'ai pris ensuite une villa au Capitou, à l'allée de la Tramontane. Tramontagne, qui était donc très proche du Bonfin. Et c'était un appartement meublé qu'on m'a pratiquement donné. Je suis arrivé, le propriétaire, oh, j'arrive pas à louer ça, allez, je vous le donne. Donc évidemment, je paye un loyer, hein, mais on m'a donné les clés tout de suite, voilà, pas de caution, ce qui était bien parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Tout était meublé, tout, super classe, super agréable, et voilà, et pendant des années. Et j'ai habité là pendant tout le temps où j'ai fait mon travail autour du Bonfin. Donc ça veut dire que j'étais là au Bonfin et en même temps je n'étais pas dépendant du Bonfin. Et j'ai eu affaire à des histoires horribles, vraiment horribles. Et cette même Allemande qui était toujours à l'entrée, elle rêvait de me refuser. Seulement, voilà, elle ne pouvait pas me refuser. Parce qu'elle savait que je connaissais des choses très très embêtantes. Donc je me souviens que des fois j'arrivais à l'entrée où il y a un barrage pour les voitures, quoi. Et moi j'allais directement en voiture dans le Bonfin, ce que peu de gens faisaient. Et elle me faisait signe non. Alors de la tête je faisais signe oui. Et elle ouvrait le barrage. Et je passais. Donc en même temps c'était fatigant parce que c'était toujours conflictuel. Hein, toujours conflictuel, c'était fatigant. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire au Bonfin. Nettoyer certaines choses telles que le maître Omram me l'avait demandé. Il s'était largement occupé de moi pour m'apprendre des choses. J'étais à sa disposition pour tout service dont il avait besoin. Et j'ai clarifié beaucoup de choses, beaucoup de choses. Évidemment, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Et ce faisant, c'est ainsi que Madeleine Chavanon, qui était à 100% avec ce que je faisais, il y a eu des réunions qui ont commencé à exister, et puis un jour, il y a eu cette fameuse réunion où le frère Lamy a dit, toute personne qui va là-bas sera chassée du Bonfin pour toujours. Il y avait finalement 80, presque 100 personnes qui étaient là et qui n'a pas osé chasser parce qu'ils étaient trop nombreux. Hein. Et puis surtout, ces gens attendaient de moi de prendre le pouvoir et je leur ai expliqué ce que le maître Omram voulait. Et puis après, ils m'ont dit, est-ce que tu veux bien prendre le contrôle? Et je dis non. Non, mon histoire n'est pas là. J'ai accompli ma tâche et c'est terminé. Et plus tard, le frère Lamy est venu me trouver. Il m'a dit, mais attendez, je ne comprenais pas. Vous avez le pouvoir, vous avez 80 personnes qui sont prêtes à faire la révolution avec vous. Et au moment où vous accédez vraiment dans quelque chose de très puissant, malgré toutes les interdictions que j'ai faites, c'est vous qui tuez le poussin dans l'œuf. Là, je ne comprends pas. J'ai dit, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne me suis jamais battu pour le pouvoir, mais pour la vérité. Pour la lumière. Et le frère Lamy était vraiment perdu. J'ai dit, bah, vous devriez pouvoir comprendre quand même, hein. Ça fait partie des choses que vous êtes censé avoir étudiées pendant très longtemps. Et c'est ainsi donc que je suis rentré dans une relation très très très très particulière avec le maître Omram. Je vais y revenir en détail. Et en même temps avec le Bonfin vers lequel je suis revenu. Alors que le Bonfin ne m'intéressait plus avant. Et là, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des acolytes de cette opération magique. Il y a eu Yannick Perchérancier, que je connaissais d'avant, Madeleine Chavanon, qui était la femme qui avait préparé le fameux coton magnétisé, que j'ai découvert quand je suis revenu. Et il y a eu aussi Frédéric et Pierre-Jean Canquette, Tchoudesna et Augustin, je pense, qui était plus âgé, qui était donc la maman, et qui, elle, habitait à Fréjus. Et il y a eu un petit network, un petit réseau qui s'est construit comme ça, de gens qui étaient là comme prêts à accomplir cette révolution avec l'autorité du maître Omram. Donc il y a bien d'autres choses qui sont passées pendant ce temps-là et j'y reviendrai. Et c'est là où j'ai découvert des choses qui étaient plutôt des choses horribles de la part des disciples et fantastiques et merveilleuses dans le pouvoir, dans l'enseignement du maître Omram. Plus tard, j'ai appris d'autres choses. Une fois que j'ai pu apprendre la vérité sur le Bonfin, j'ai appris la vérité sur l'engueulade du maître Omram avec le maître Peter de Nove. L'origine de tout cela, l'essence de tout cela. Et là, j'ai découvert des choses qui n'étaient pas toujours si fantastiques et merveilleuses. Cela fait partie de la découverte de la réalité d'un réseau de gens qui sont hautement inspirés, mais qui ne sont pas non plus parfaits, parce qu'ils sont humains sur un plan d'humanité, et qu'ils existent dans cette humanité. Et il y a d'abord le refus de la divinité, puis l'incarnation de cette divinité dans le visage d'une personne. Voilà. Maintenant, je vais imaginer que Mathieu, qui a une trentaine d'années, est divin. Donc, ah oui, mais il a un bébé. Bah, comment il a fait ça, puisqu'il fait pas l'amour? Bah, c'est pas possible. Attends, c'est pas possible. Ah, s'il fait l'amour, bah alors, il n'est pas divin. Et on entre dans ce cinéma lamentable. La divinité, c'est une essence, pas une personne. Et cette essence peut être captée par telle ou telle personne, et à d'autres moments, c'est moins divin, même le maître Omram. C'est ce que j'ai appris aussi en travaillant avec son essence manifestée dans cette vibration particulière qu'étaient ces messages fantastiques qui sont venus pendant 2 ans. Et même après 2 ans, ça n'a pas cessé, ça s'est transformé. Ces 2 ans étaient une nouvelle préparation pour autre chose, encore autre chose. Quel est le chemin? Où est-ce que ce chemin cesse de la vibration divine? La vibration divine ne cesse jamais. Elle est plus grande, plus forte, plus proche, perpétuellement. Et même si elle est plus proche de nous, elle est reçue et incarnée et manifestée dans un corps physique qui a ses besoins. Une hypoglycémie, un désir sexuel, une tristesse, un désespoir. Tout cela fait partie de la machine physique. La machine physique du maître Omram, tant qu'il était physique, et la machine de Iji, tant qu'il est physique. Et il y aura toujours du physique au milieu, puisque pour qu'une chose vous arrive, il faut qu'elle passe par un plan physique, par votre propre corps ou à travers quelqu'un d'autre. Donc il y aura toujours un entachement, si je puis dire. Je ne sais pas si on dit ça en français, un manque de pureté, parce qu'il y aura toujours une petite touche physique. Comme il y a, je le disais, j'ai entendu écouter 2 ou 3 conférences que j'ai trouvées sur Internet complètement par hasard de Olivier Martin. Et bah, ma foi, ce qu'il dit, il dit qu'il est saignant, que les gens qui sont autour de lui, c'est saignant. C'est pas si mal hein, ce qu'il dit. Dans l'essence, ce qu'il dit, moi je trouve, c'est pas si mal. Et je comprends qu'il y a des gens qui puissent dire, ah oui, c'est bien, Olivier Martin. Il y avait une autre personne, j'ai oublié son nom maintenant, qui était complètement critiqué par le bon fin parce qu'il était persuadé, ce monsieur, donc c'est pas Olivier Martin, c'était un autre, que quand le maître Omram est mort, et bien, il est venu s'incarner en lui. Alors il critiquait ce monsieur. N'empêche que ce monsieur, c'est le seul qui ait créé une école omramienne, d'après les principes pour les enfants, je veux dire, un peu comme les écoles Waldorf avec Rudolf Steiner. Ben, lui, c'est le seul qui a créé une école omramienne. Comment? C'était dans le sud de la France, dans les coins de Bordeaux, de Toulouse, je ne me souviens plus exactement. Et oh, bon, enfin, oh, on ne voulait pas parler de lui, parce que en même temps, c'était le plus gros client de Prosveta. Et je trouvais ça spécialement dégueulasse de critiquer le personnage, mais en même temps de l'accueillir à bras ouverts en tant que client de Prosveta. Et comme lui incarnait les conférences du maître Omram en jouant maître Omram, puisqu'il était persuadé d'être la nouvelle réincarnation du maître Omram, même si ils avaient vécu en même temps. Il était habité par l'âme du maître Omram, donc il faisait des conférences vivantes. Et du coup, tout le monde achetait les livres de maître Omram, et du coup, son école était le plus grand client de Prosveta. Alors que Prosveta, c'était l'éditeur numéro un au monde de livres occultes, on va dire, spirituels. Voilà. Parce qu'il traduisait tellement de livres et qu'il vendait tellement de livres. Donc, à cette échelle-là, ce monsieur-là, ben, c'était le client numéro un de Prosveta. Quant à Olivier Martin, eh bien maintenant il fait exactement comme ce monsieur dont je ne me souviens pas le nom. Et il est l'incarnation du maître Omram et la réincarnation du maître Peter de Nove. Hein, donc il a une suite de collections quand même. Et quand je l'entends, eh ben, c'est vraiment, il a repris toutes les attitudes. Et le cinéma, si je puis dire, d'Omram, qui était sa personnalité. Et pourquoi être obligé de devenir Omram pour pouvoir parler? Et ça, je trouve ça franchement malsain. Et bon, dans le discours, Olivier Martin, je suis avec la lumière, comme l'était le maître Omram, le maître Peter Noir. Ah ben en fait, nous sommes un, quoi. Hein, nous sommes les Esséniens et nous sommes un. Et alors là, au niveau de l'humilité. Olivier Martin, il se prend pas pour. C'est le fils de Jupiter. Hein. Maintenant, au-delà de ça, si j'analyse d'une façon technique ce que Olivier Martin dit dans les quelques passages que j'ai entendus, bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, est-ce que Olivier Martin est inspiré par la lumière? En tout cas, il n'est pas inspiré par l'humilité, ça c'est clair, ça c'est absolument clair. Maintenant, est-ce qu'il est inspiré par la lumière? Eh bien, je dirais que malgré que je puisse le juger en même temps comme un petit trou du cul, en même temps, c'est possible qu'il soit avec la lumière, oui, parce que ce qu'il dit, c'est pas mal. Je suis pas d'accord avec le protocole, mais finalement, avec le contenu de ce qu'il dit, c'est pas si mal. Et moi, je peux croire qu'un Olivier Martin, comme cet autre client qui existait avant, peut-être qui vit toujours ou qui est décédé, je ne sais pas, ce sont des gens qui finalement, au niveau de la lumière, font un travail qui est pas si mal. Donc, on va parler de gens qui sont tordus du point de vue de la lumière, mais qui pourtant incarnent la lumière. Bien, je pense que la lumière cherche à se manifester partout où elle peut se manifester, que le chemin soit pur ou pas. Est-ce que je peux dire que je suis parfaitement pur avec la lumière? Moi, je crois que je suis à 100 000% honnête avec la lumière, avec mes élèves. Mais je suis un être humain qui souffre, qui a des limitations, qui est dans l'agonie et dans la solitude. Et c'est certainement pas les meilleures essences pour me mener à ne manifester que la lumière. C'est clair que mon entourage est très obscur. Est-ce que je peux prétendre être plus pur qu'Olivier Martin? Dans l'intention, j'ai l'intention, j'ai la prétention de le croire. Mais dans l'essence de ce qui est produit par Olivier Martin ou par cet autre homme dont j'ai oublié le nom, ou est-ce que Maître Moine était encore plus pur que ça? Ben, dans le travail que j'ai découvert, oui, il a pu faire des choses fantastiques. Il a pu venir à travers mon ami, me parler, m'enseigner. Et pour faire cette chose-là, je me suis dit, là, j'ai vraiment la preuve d'un être cosmique. Mais plus tard, j'ai découvert des choses qui n'étaient pas cosmiques du tout dans le passé, dans ce qu'il avait fait. Non pas dans ce qu'il a fait en tant qu'essence auprès de moi, mais dans ce qu'il a fait avant de mourir, dans sa vie physique. Et là, je me suis pris une claque gigantesque quand plus tard j'ai découvert des choses assez moches dans la vie de Maître Omram par le Maître Omram lui-même. Et je me suis dit, ah non, ça c'est pas possible. Parce que j'ai confondu pendant un certain temps l'essence cosmique de Omram et puis l'être, Ivanov. Et c'est pourquoi je fais une très grande différence entre le maître Omram et le monsieur Ivanov, Mikhail Ivanov, qui vient de Bulgarie, un pays très pauvre et très violent. J'ai été plus tard aussi, après le bon fin, j'ai été aussi en Bulgarie. J'ai voulu avoir accès aux conférences et j'ai travaillé avec une Bulgare qui parlait très bien anglais et qui me traduisait plein de choses pour pouvoir accès aux livres, aux enseignements. Et j'ai été aussi aux sept lacs de Rila pour pouvoir découvrir ce qu'on y trouvait. Et partout, j'ai trouvé de la divinité et de l'humanité. Quand j'ai voulu mieux comprendre le travail de la panhérythmie, j'ai essayé, je me suis aussi retourné vers la Bulgarie pour vraiment avoir le vrai travail. Et en ce faisant, eh bien, j'ai découvert un enseignement du maître Peder Donov qui disait, la panhérythmie, c'est un travail divin qui ne cessera d'évoluer. Donc en fait, j'ai découvert en même temps le chemin vers la pureté du travail, plus proche du maître Peter Denov. Donc j'étais en désaccord avec ce que le bon fin a fait par rapport à certaines choses avec la panhérythmie. Mais en même temps, j'ai découvert que dès l'origine, le maître Peter Denov disait qu'il y aura des évolutions dues à l'évolution mondiale. Donc en cherchant la pureté, j'ai aussi compris que la recherche de la pureté pouvait me faire passer à côté de l'évolution du bon fin, de la panhérythmie. Et il faut bien comprendre que partout où la lumière est manifestée, à part dans Gaïa, dans Pachamama, dans l'énergie pure, partout où elle se manifeste, où elle peut être relatée, décrite, il y a aussi l'humanité, habitée par le cinéma, l'orgueil, la prétention, la peur, la vieillesse, les désirs. et que dans le monde humain, il est impossible de trouver la lumière pure, et qu'il est une grande erreur que de visualiser un être comme étant l'essence même de la lumière. Car l'être qui s'est suffisamment tourné vers la lumière pour incarner la lumière est aussi un être humain, avec ses peurs, ses désirs, ses fantasmes, ses terreurs. Et que l'approche de la lumière repousse plus loin ces choses-là, oui, c'est vrai, mais ne peut pas les annihiler totalement. Donc partout où est la lumière manifestée pour les humains, se manifeste aussi l'humain. C'est la grande leçon que je peux résumer en ces termes-là, pour ce chapitre particulier. La lumière, oui, manifestée dans l'humanité, oui, donc manifestée par des humains qui ne sont pas pure lumière. C'est aussi un fait.